Premier livre des Rois, chapitre 7. Salomon bâtit aussi sa maison, et l'acheva tout en 13 ans. Il bâtit aussi la maison du parc du Liban, de 100 coudées de long, et de 50 coudées de large, et de 30 coudées de haut, sur 4 rangées de colonnes de cèdre, et sur les colonnes il y avait des poutres de cèdre. Il y avait aussi un couvert de bois de cèdre par-dessus les chambres, qui était sur 45 colonnes, rangées de 15 en 15. Et il y avait 3 rangées de fenêtrages, et une fenêtre répondait à l'autre en 3 endroits. Et toutes les portes et tous les poteaux étaient carrés, avec les fenêtres, et une fenêtre répondait à l'autre vis-à-vis en 3 endroits. Il fit aussi un porche tout de colonnes, de 50 coudées de long, et de 30 coudées de large, et ce porche était au devant des colonnes de la maison, de sorte que les colonnes et les poutres étaient au devant d'elles. Il fit aussi un porche pour le trône sur lequel il rendait ses jugements, appelé le porche du jugement, et on le couvrit de cèdre depuis un bout du sol jusqu'à l'autre. Et dans sa maison où il demeurait il y avait un autre parvis au-dedans du porche, qui était du même ouvrage. Salomon fit aussi à la fille de Pharaon, qu'il avait épousée, une maison bâtie comme ce porche. Toutes ces choses étaient de pierres de prix, de la même mesure que les pierres de taille, scie à la scie, en dedans et en dehors, depuis le fond jusqu'aux corniches, et par dehors jusqu'au grand parvis. Le fondement était aussi de pierres de prix, de grandes pierres, des pierres de 10 coudées, et des pierres de 8 coudées. Et par-dessus il y avait des pierres de prix, de la même mesure que les pierres de taille, et que le bois de cèdre. Et le grand parvis avait aussi tout alentour 3 rangées de pierres de taille, et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis de dedans la maison de l'Éternel, et le porche de la maison. Or le roi Salomon avait fait venir de Tyriram, fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali, le père duquel était Tyrien, travaillant en cuivre, fort expert, intelligent, et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il vint donc vers le roi Salomon, et fit tout son ouvrage. Il fondit 2 colonnes d'airain, la hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, et un réseau de 12 coudées entourait l'autre colonne. Il fit aussi 2 chapiteaux d'airain fondus pour mettre sur les sommets des colonnes, et la hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées, et la hauteur de l'autre chapiteau était aussi de 5 coudées. Il y avait des entrelacures en forme de raies, de filets entortillés en façon de chaîne, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour l'un des chapiteaux, et 7 pour l'autre. Et il les appropria aux colonnes, avec 2 rangs de pommes de grenade sur un raie, tout autour, pour couvrir l'un des chapiteaux, qui était sur le sommet d'une des colonnes, et il fit la même chose pour l'autre chapiteau. Et les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, étaient en façon de fleurs de lys, aux 2 4 coudées pour mettre au porche. Or les chapiteaux étaient sur les 2 colonnes, ils étaient, dis-je, au-dessus, depuis l'endroit du ventre qui était au-delà du raie. Il y avait aussi 200 pommes de grenade, disposées par rang tout autour, sur le second chapiteau. Il dressa donc les colonnes au porche du temple, et mit une à main droite et la nomma Jacquin, et il mit l'autre à main gauche, et la nomma Boaz. Et on posa sur le chapiteau des colonnes, l'ouvrage fait en façon de fleur de lys, ainsi l'ouvrage des colonnes fut achevé. Il fit aussi une mer de fonte, qui avait 10 coudées d'un bord à l'autre, ronde tout autour, de 5 coudées de haut, et un cordon de 30 coudées l'environnait tout autour. Et il y avait tout autour, au-dessous de son bord des figures de bœufs en relief, qui l'environnaient, 10 à chaque coudée, lesquelles entouraient la mer tout autour. Il y avait 2 rangées de ces figures de bœufs en relief, jetées en fonte. Et elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 regardaient le septentrion, et 3 regardaient l'occident, et 3 regardaient le midi, et 3 regardaient l'orient. La mer était sur leur dos, et tout le derrière de leur corps était tourné en dedans. Son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le bord d'une coupe à façon de fleur de lys, elle contenait 2000 battes. Il fit aussi 10 soubassements d'airain, ayant chacun 4 coudées de long, et 4 coudées de large, et 3 coudées de haut. Or l'ouvrage de chaque soubassement était de telle manière, qu'ils avaient des châssis enchâssés entre des embattements. Et sur ces châssis, qui étaient entre les embattements, il y avait des figures de lions, de bœufs, et de chérubins. Et au-dessus des embattements il y avait un bassin sur le haut, et au-dessous des figures de lions et de bœufs, il y avait des corniches faites en pente. Et chaque soubassement avait 4 roues d'airain, avec des ais d'airain, et il y avait aux 4 angles certaines épaulières, qui se rendait au-dessous du cuvier au-delà de toutes les corniches, sans qu'on s'en aperçût. Or l'ouverture du cuvier, depuis le dedans du chapiteau en haut, était d'une coudée, mais l'ouverture du chapiteau, était ronde de la façon du bassin, et elle était d'une coudée et demie, et sur les châssis de cette ouverture il y avait des gravures, ces ouvertures avaient aussi des châssis carrés, et non pas ronds. Et les quatre roues étaient au-dessous des châssis, et les essieux des roues tenaient au soubassement, chaque roue avait la hauteur d'une coudée et demie. Et la façon des roues était selon la façon des roues de chariot, leurs essieux, leurs jantes, leurs moyeux, et leurs rayons étaient tous de fonte. Il y avait aussi quatre épaulières aux quatre angles de chaque soubassement, qui en étaient tirées. Il y avait aussi au sommet de chaque soubassement une demi-coudée de hauteur, qui était ronde tout autour, de sorte que chaque soubassement avait à son sommet ses tenons et ses châssis, qui en étaient tirés. Puis on grava les ailes et tenons, et des châssis de chaque soubassement de figures de chérubins, de lions et de palmes, selon le plan de chaque tenon, châssis, et corniche tout autour. Il fit les 10 soubassements de cette même façon, ayant tous une même fonte, une même mesure, et une même entailleur. Il fit aussi 10 cuviers d'airain, dont chacun contenait 40 battes, et chaque cuvier était de 4 coudées, chaque cuvier était sur chacun des 10 soubassements. Et on mit 5 soubassements au côté droit du temple, et 5 au côté gauche du temple, et on plaça la mer au côté droit du temple, tirant vers l'orient du côté du midi. Ainsi Ram fit des cuviers, et des racloirs, et des bassins, et il acheva de faire tout l'ouvrage qu'il faisait au roi Salomon pour le temple de l'Éternel, savoir, 2 colonnes, et les 2 bassins des chapiteaux, qui étaient sur le sommet des colonnes, et 2 réseaux pour couvrir les 2 bassins, qui étaient sur le sommet des colonnes, et 400 pommes de grenade pour les 2 réseaux. De sorte qu'il y avait 2 rangées de pommes de grenade pour chaque réseau, afin de couvrir les 2 bassins des chapiteaux, qui étaient sur les colonnes, 10 soubassements, et 10 cuviers pour mettre sur les soubassements, et une mer, et 12 bœufs sous la mer, et des chaudrons, et des racloirs, et des bassins. Tous ces vaisseaux qui Ram fit au roi Salomon pour le temple de l'Éternel, étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre en la plaine du Jourdain, dans une terre grasse, entre Succot et Tsartan. Et Salomon ne pesa aucun de ces vaisseaux, parce qu'ils étaient en fort grand nombre, de sorte qu'on ne rechercha point le poids du cuivre. Salomon fit aussi tous les ustensiles pour le temple de l'Éternel, savoir l'autel d'or, et les tables d'or, sur lesquelles étaient les pains de proposition, et 5 chandeliers de fin or à main droite, et 5 à main gauche devant l'oracle, et les fleurs et les lampes, et les pincettes d'or, et les coupes, les serpes, les bassins, les tasses, et les encensoirs de fin or. Les gonds même des portes de la maison de dedans, c'est-à-dire, du lieu très saint, et des portes de la maison, c'est-à-dire du temple, étaient d'or. Ainsi tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel fut achevé, puis il y fit apporter ce que David son père avait consacré, l'argent et l'or, et les vaisseaux, et le mit dans les trésors de la maison de l'Éternel.